Ouais, vous écoutez Radio Klaxon. Il est je sais pas quelle heure et c'était un bruit de corne de brume. Un peu trop fort dans le micro, alors ça a dû faire mal à vos oreilles. En même temps, c'est le but, la corne de brume, c'est voilà, c'est alarmé, c'est et alors on va surfer sur la vague des tutos et de la corne de brume. Parle plus près parce que je t'entends. Pardon. Et ouais. De la corne de brume aussi, hein. Alors vas-y, essaye, parle. On va surfer sur la corne de brume. Ouais, voilà. Et du coup, on va faire un tutoriel avec une spécialiste qui est spécialement venue pour ça, là, dans les studios de Radio Klaxon, pour nous montrer comment ça marche, comment on fait avec des objets sortis de la poubelle une super corne de brume. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour Alors, une corne de brume? Il faut une bouteille en plastique de 50 centilitres, une canette, peu importe les centilitres, du scotch, genre du gros scotch, c'est bien, et un ballon ou peut-être une capote. On n'a jamais testé, on va tester. Ça va être une grande On première. Verra bien. Ouais. Alors, première étape. Première étape, couper le cul de la bouteille en plastique. Ah. Alors, au niveau, on s'en fout. Ouais, plutôt à ras. Plutôt enfin, à ras. Enfin, on là, s'en fout. Quelques plat, centimètres, quoi. Ouais. Ok. Alors là, en direct. Attention à ne pas se blesser. C'est exécuté d'une manière. Ok. Le cul de la bouteille est doté. Alors, ouais, je confirme. Une bouteille sans cul. Alors, elle a gardé son goulot, hein. C'est l'autre cul qu'on a coupé. Elle a gardé son goulot, en effet. Voilà. Ouais. Ok, maintenant, le truc un peu le plus chiant, c'est donc de découper l'intérieur du cul de la canette. Il y a un petit rebord. Un bourrelet. Un petit bourrelet. Et du coup, il y a un rond, et c'est ce rond qu'on va découper. Ça marche super bien avec un ouvre-boîte, mais on n'en a pas, donc on va le faire au couteau. Voilà, sans se blesser. Ouais. Par contre, ça prend du temps, donc à tout à l'heure. Ok. Alors, je répète, hein, vous voyez la canette, il y a l'endroit où vous mettez votre bouche pour boire. Et puis il y a l'autre endroit, c'est ce qu'on appellera le cul. Oui, communément. Voilà. Ce cul est muni d'un bourrelet. Afin que la canette repose sur son bourrelet. Exactement. Ah, moi aussi, il faut que je coupe. Donc la canette repose sur son bourrelet du cul qui voilà, et donc il va falloir couper l'intérieur, ce qui est la partie intérieure du bourrelet du cul. Voilà. Une ablation du bourrelet du cul. Voilà. Alors on y est presque sur la première. C'est d'ailleurs sur ce bourrelet du cul qui a marqué la date et l'heure de fabrication. Oh. Une indication supplémentaire. Sans se blesser. Sans se blesser, alors, on va essayer. Personne ne s'est encore blessé. Ah, j'ai pas vraiment commencé. On parie. Oh là là, oh là. Carnage. Tiens, je vais mettre une petite musique en fond sonore pour habiller. Hop. Ok. Excellent. Bon, si jamais c'est pas très bien découpé et qu'il y a des petites pointes, on peut faire un petit. Juste poser un bout de scotch tout autour, ça va protéger le ballon. Voilà. Autour du trou, quoi. Voilà, alors là, ouais, comme on a fait ça au couteau, c'est un peu crade et du coup, ça peut être coupant. Alors il faut protéger le ballon avec du scotch. Voilà, je répète tout ce qui est dit. Est-ce qu'on peut laisser la petite languette dedans? Bof. Bof. Non. Alors, à la question, est-ce qu'on peut laisser la petite languette dedans? La réponse de notre spécialiste a été bof. Ah, mais on va essayer quand même. Parce ça se sent pas trop dans le milieu de la corne de brume, ça c'est pas trop de laisser la languette à l'intérieur du cul du bourrelet de la bouteille. Ça se fait pas. Ok. Voilà, donc alors là, la canette est protégée du cul avec son petit gaffeur, donc. Du coup, maintenant, on va lui couper la tête. Et par contre, là, on coupera sur la partie longue. On va pas se faire chier avec le petit rebord du haut qui est un peu en travers, là. Une coupe normale, à plat. Ah. Alors, à une distance... équilatérale. Équilatérale du point X. Non. Voilà. Non, je crois qu'on s'en fout. Ah. Voilà, alors... C'est agréable ce bruit là. Ouais. Ok. Du coup, maintenant on peut prendre le ballon et tu fais la capote. Je vais faire la capote. Ok, maintenant je fais le ballon. Du coup, on prend un ballon et on lui coupe la tête, l'endroit où on souffle dedans. Alors, est-ce que ce serait pas le cul justement? Bah, la tête ou le cul, bref, l'endroit petit où on souffle. Le trou, quoi. Le trou, exactement. La partie longue. Il y a beaucoup d'endroits petits où on peut souffler, que ce soit la tête ou le cul. Ok, et donc on va placer cette petite peau sur le ballon. Ah, on a des textos, on nous dit, on n'entend pas les bip bip. Ok, et donc le ballon, on vient le tendre sur la partie de la canette qu'on vient d'ouvrir, qui est donc le cul, la partie avec le bourrelet. Comme ça, c'est protégé, quoi. Pas le côté super coupant. Ok. On le met dessus. Et on le scotche, genre à 360 autour. T'as pété ta capote ? J'ai pété ma capote. Ah. Je pense que ça se reprend. J'ai pas eu les bons cours. Alors. Ok, là je vais scotcher le ballon sur le cul de la canette. Alors, on a une demande par texto, voilà, parce que mon micro, je pense, était trop ouvert. On n'a pas tout compris, ou du moins cette personne n'a pas tout compris. Alors, on va récapituler les étapes rapidement. Ok, donc, il faut une bouteille de 50 centilitres, une canette, un ballon et du scotch, et un couteau ou un ouvre-boîte. On coupe le cul de la bouteille en plastique. On ouvre le cul avec le bourrelet de l'intérieur, enfin, comment dire, de la canette. On les vide, le petit rond du dessous. On lui coupe la tête à plat, bam. Et ensuite, on pose le ballon. Donc, un ballon, ouais, la capote, on n'est pas encore sûr. En tout cas, ça marche dessus avec un ballon. Et donc, un ballon qu'on aura donc... On l'appelait comment ? Couper le trou. Couper le trou. Voilà. Et donc on tend la peau du ballon sur l'arrière de la canette, au côté bourrelet, et on le scotche. Et ça fait genre une petite peau, comme un petit tam-tam. Voilà. Et donc on a donc cette canette avec d'un côté un ballon, de l'autre côté qui est ouvert, et on vient rentrer la bouteille en plastique, le goulot en premier. Et genre c'est le goulot qui va venir toucher la peau. Voilà, il faut que ça vienne à fleur. Et du coup, normalement, donc ça rentre pile poil. La bouteille en plastique dans la canette et jusqu'au ballon. Voilà, en poussant un peu sur le ballon. Pour que... Ouais, on pousse un peu sur le ballon, ouais, complètement. Il faut que la peau du ballon soit en tension sur le trou du goulot de la bouteille. Exact. Bon, ok, en fait, j'ai oublié juste un tout petit truc. C'est mieux de le faire avant, donc je ressors la bouteille. Il faut faire un petit trou. Alors, sur la canette, on va le faire plutôt genre proche du ballon, je dirais bien genre à 2 cm 25 ou 3. Voilà, alors entre 2 cm 25 et 3 cm. On fait un petit trou de la taille de. Je sais pas moi, ça fait quoi de... Un coléoptère. Une pièce de 0,02 centimes. 3 têtes d'allumettes. Voilà. Ok, du coup, je remets la bouteille. Et maintenant, il faut fixer tout ça ensemble, c'est-à-dire la canette avec la bouteille en plastique. Donc, il faut juste un tour de scotch, enfin, ou plus. Oh, c'est beau le son du scotch. Parce que du coup, avec ta capote, tu peux pas vraiment scotcher. Pourquoi ? Ah, c'est trop gras. Observation technique, la capote est lubrifiée et ça empêcherait le gaffeur de coller. On pourrait essayer quand même parce que le gaffeur, c'est surpuissant. Ok, donc là, la bouteille et la canette sont reliées ensemble. Premier test, c'est parti. Ok, alors on va la refaire, j'ai pas baissé le son assez vite. Alors attends. Vas-y, quand tu veux. Alors Alors, je sais pas si vous pouvez apprécier le son, on peut le refaire peut-être. Voilà, alors c'est une réussite. Une complète réussite. Alors, on notera quand même que c'est aléatoire. Il y a quand même certaines cornes de brume qui fonctionnent mieux que d'autres. On imagine que ça dépend de la forme de la bouteille, de la tension sur le ballon. Alors là, notre spécialiste réessaye en sortant un peu la bouteille de la canette afin de mettre le goulot à fleur du ballon sans trop le mettre en tension. Exactement. Ça a l'air un peu mieux. Plutôt à fleur le goulot. Plutôt à fleur le goulot. Et voilà. Et voilà, alors on attend le résultat pour la capote peut-être. Le gaffeur ne colle pas. Alors peut-être que il faudrait nettoyer la capote avant, parce que c'est quand même plus facile de se procurer une capote que des ballons de baudruche. Ou des capotes pas lubrifiées. Ou des capotes pas lubrifiées, mais c'est peut-être moins fréquent. Non mais t'as pas de bouteille. Message. Ah oui. Ah, mais c'est quoi le pas, message t'as coupé court. Et puis il faut scotcher ensemble. Ouais. Ah oui, pardon, on a un message. Alors qu'est-ce qu'il dit? Attendez. C'est dingue. Excellent. Ouais, c'est fou, hein. Moi aussi, j'ai eu cette réaction. Ça sert à plein de trucs. Mot pour mot. À se reconnaître en soirée. À klaxonner quand son klaxon ne fonctionne pas. À foutre le bordel en manif. Ouais, à réveiller les gens sous. Ah oui, il est bien là. Ah, il est bien. Ouais, il est bien. Il est pas mal. Du coup, pas trop de tension sur le ballon, ça a l'air d'être pas mal. Pas trop de tension sur le ballon, ça a l'air d'être pas mal. Je répète parce que je baisse ton micro quand tu souffles. Ok, ouais, ouais. Du coup, pas trop de tension, ça veut dire pas trop poussé par le goulot de la bouteille. Hein. Mais sinon, la peau, elle est bien tendue par le scotch. Voilà. Voilà, alors j'espère que c'était clair. Complètement. Résultat pour la capote, c'est pas concluant, quoi. C'est pas... La capote, ça marche pas du tout. Ouais, faudrait voir à régler ce problème de lubrifiant. Mais... En même temps, un sac de 30 ballons, ça coûte 1 euro seulement. 30 cornes de mousse pour 1 euro. Qui est mieux, qui est mieux. Pas de publicité, s'il vous plaît. Nouveau message. Nouveau message. J'ai pas dit de marque. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça passe au contrôle technique, on nous demande. Certains ont essayé. Et ils ont eu des problèmes. Alors, ça dépend du contrôle technique. On va pas vous dire exactement où aller. Mais renseignez-vous autour de vous. Vous verrez, il y a plein de gens qui connaissent de bonnes adresses de contrôle technique. Ah. Alors. Et ses capotes. Ah non, du coup, t'as mis un ballon. J'ai mis un ballon. Ok. J'ai mis un ballon et... Là, on procède au scotchage du ballon. Et attention, dans le cas où on veut utiliser une capote et que ça ne marche pas avec, ne pas changer avec un ballon. Non. Non, mais du coup, ça a mis du gras partout. Ouais, ça a mis du gras partout. Ah ouais, c'est vrai. J'ai couvert ton trou, je sais plus où il est. T'as couvert mon trou. Ouf, même pas besoin quasiment. On va en faire un nouveau trou pour la bouche. Ah. Alors il est là. Bon. Alors désolé pour vos oreilles, hein, j'essaie d'être au taquet pour baisser le son avant qu'on souffle, mais... Moi j'essaie de souffler avant qu'il baisse le son. Voilà, du coup... Attention. Attention, attention. Alors, alors... Attends, je vais rapprocher mon micro pour qu'on entende bien comment ça... Oui, comment c'est ridicule. C'est vrai. C'est le bruit typique de la corne de brume artisanale qui ne marche pas. Voilà. Donc c'est une réussite en quelque sorte. Effet Bonaldi, en direct. Alors moi si je peux donner 2-3 petites indications, là je constate par exemple que la bouteille a été coupée très court. Genre t'as pas coupé le cul à rat, t'as coupé genre 10 cm de cul. Je trouve ça un peu trop, faut laisser de la marge. Genre vraiment que la rondelle. Laissons du cul. Laissons du cul. Et du coup la jonction du coup là entre la canette et la bouteille elle était pas très étanche. Du coup l'air ne peut pas circuler comme il faut. Donc faites attention à la jonction canette-bouteille. Pour que ce soit bien hermétique en effet ouais. Bon bah voilà je sais pas je propose qu'on rende l'antenne sauf si il y a plus de précision à apporter. Je pense qu'on est bien. On est bien. Peut-être peut-être qu'on peut rappeler le grand rassemblement de la corne de brune artisanale à Angoisse, le 28 août, au Chien qui fume. Au Chien qui fume, ah oui, oui, très bien. Venez nombreux. Voilà, on vous attendra là-bas, en tout cas on fera une table ronde. Alors un petit dernier, je baisse le son, c'est parti. Ok, je crois que j'avais pas baissé assez le son, encore une fois, je suis désolé. Mais on a constaté que ça marchait bien quand même, hein. Voilà. C'était Radio Klaxon, le tuto de la corne de brume, il est 21h maintenant. Et voilà, gros bisous, bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Fit ein Schwergeck belohn in der Zecke bei. Wa wa wa wa wa wa wa.